J'aime les fraises avec plus de crème dessus, plus de sucre et plus de fruits et plus de jus. Reste pas bêtement avec ta cuillère à la main. C'est juste après que ça devient bien, quand ça n'est plus normal, quand ça n'est plus normal. J'aime la musique avec plus de trucs dessus, plus de choc et plus de watt et plus de jus. Reste pas bêtement avec ta guitare à la main. C'est juste après que ça devient bien, quand ça n'est plus normal, quand ça n'est plus normal. Tu ne peux pas changer ma vie, exagérer dans mon lit, si tu as peur d'abîmer ton cœur. Tu peux donner beaucoup plus, tu peux risquer ta vertu, sans que ton cœur se te doive. J'aime les soirs avec plus de choses en vue, des restos, des bars et des femmes sur les avenues. Reste pas bêtement avec ton passé à la main. C'est juste après que ça devient bien, quand ce n'est plus normal, quand ça n'est plus normal.